Ainsi, contrairement aux espoirs des jaloux, c'est Châteaurien qui est sorti vainqueur du duel contre Badger. À l'heure convenue, la vénérable comtesse de Greenbury à son bras, il est apparu devant Lady Mary, obtenant ainsi la rose qu'il désirait tant. Cette consécration charmante de ses succès sentimentaux a exaspéré le trio des soupirants de Lady Mary. Le plus riche d'entre eux, le gros lord de Bantison, a voulu du moins prendre sa revanche mondaine. Et 3 semaines plus tard, il donne une garden party à laquelle assistent tous nos amis ou ennemis. Bantison n'a pas hésité sur les frais. C'est à l'honorable Nash qu'il s'est adressé en sous-main pour que tout soit réglé à la perfection, quitte à se vanter personnellement du résultat lorsque... Ainsi, contrairement aux espoirs des jaloux, c'est Châteaurien qui est sorti vainqueur du duel contre Badger. À l'heure convenue, la vénérable comtesse de Greenbury à son bras, il est apparu devant Lady Mary, obtenant ainsi la rose qu'il désirait tant. Cette consécration charmante de ses succès sentimentaux a exaspéré le trio des soupirants de Lady Mary. Le plus riche d'entre eux, le gros lord de Bantison, a voulu du moins prendre sa revanche mondaine. Et 3 semaines plus tard, il donne une garden party à laquelle assistent tous nos amis ou ennemis. Bantison n'a pas hésité sur les frais. C'est à l'honorable Nash qu'il s'est adressé en sous-main pour que tout soit réglé à la perfection, quitte à se vanter personnellement du résultat lorsque Rachel et Tom Brake... Mes compliments, Bantison. Votre fête était très réussie. Que d'argent dépensé. Ah ça, je n'ai pas regardé à la dépense, je l'avoue. J'ai mis tout mon goût, tout mon sens artistique pour créer une féerie. Quoi, c'est vraiment vous, tout seul, qui avez réussi Oui, c'est moi qui... tout seul. Là, c'est bien. Préparez tout pour le départ, n'est-ce pas? Le beau Nash, vous donnez des ordres ici? Et naturellement, Rachel. Bantison m'a demandé d'organiser sa fête. Oh, le traître! Il ne s'en tirait pas, le brave gros. Et comme c'était une fête destinée à impressionner Lady Mary, il s'est adressé à moi. Pardon, je vous ai donné mes avis. Et je n'en ai pas tenu compte, heureusement pour vous. Oh mais sapre jeu, qui est-ce qui paie ici? Probablement vous, car moi je me suis ruiné pour les femmes, et je ne puis plus qu'aider les autres à se ruiner pour elles. Donc, le gros Bantison veut séduire Lady Mary. Entre nous, Nash, pensez-vous que le gros Bantison ait quelque chance? Un jour de Dieu, et qui aurait une chance? Winterset? Le grand favori, c'est le duc de Châteaurien. Oh, ce français! Il vous soufflera, Lady Mary. Clair de lune, ce soir. Je gage que le duc chevauchera tout près du carrosse qui emmènera Lady Mary. Clair de lune, complice, jeunesse, poème banal, piège redoutable. Monsieur de Châteaurien a 10 chances pour une de gagner la partie. Et pas un de nous, messieurs, n'aura le cœur d'enlever les démérés à ce duc français. Dame, moi peut-être, ça dépendra. Et moi, quoique à la réflexion... Poule mouillée. De mon temps, vous pouvez m'en croire, on n'y point vu pareille chose. Et je connais quelqu'un. Oh, attention, Nash va chanter... S'arrachant à ses souvenirs, le beau Nash s'en va surveiller la fin de la réception de Bantison. Nous retrouvons alors dans un coin du parc l'impertinente fiancée de Sir Philip Molineux, Lady Lucy, mais cette fois, c'est à toute une escorte de galants que la coquette... Oh, messieurs, trêve de compliments! Ce n'est pas le moyen de trouver le chemin de notre cœur. Écoutez plutôt. Ah, femme jolie! C'est vraiment folie de répéter qu'elle est bien. Qu'en devant sa glace, elle se dénonce. Croit-on qu'elle ne voit rien? Non, pas rien. Vanter notre bouche beaucoup moins nous touche que le plus discret amant. Et c'est surtout quand... Chère Lucie, je voudrais... Pardon ? Monsieur, je ne vous connais pas. Votre belle paraît fâchée, Molineux. Que s'est-il passé ? Ah, je ne sais, Bouquet. Quelqu'un m'aura sans doute desservi auprès d'elle. Mais j'en aurai le cœur net. Ah, voici la divine Lady Mary. Cher Monsieur Bantison, je vous dois une exquise journée. Journée superbe, en effet. Le soleil, madame, n'a pas failli à son amoureux devoir. Sa flamme, comme la nôtre, salue votre beauté. Que d'amabilité, mon cher hôte. Mais dites-moi, je n'ai pas vu Monsieur de Winterset. Sa grâce nous a bien négligés. Il sera là tout à l'heure. Cher Monsieur Bantison, que de remerciements pour un accueil si parfait. Trop heureux, monsieur, trop heureux. Vous permettez, je me dois à mes invités. Winterset arrive. Méfiance. Regardez-le, Molineux. Il a le visage de la défaite. Je m'informais de vous, monsieur de Winterset. Une affaire urgente m'a retenu. Excusez-moi. Je devais avoir une part dans cette affaire-là. En vérité? Je le suppose. Monsieur de Winterset m'honore d'une telle affection qu'il s'intéresse à tout ce qui me touche. Mais sa bonté reste discrète. Elle cache son jeu. Oui, c'est une bonté à retardement. Vous en apprécierez les effets, mon cher. Je l'espère bien, excellente amie. Cher monsieur Bantison, je vais prendre congé de vos hôtes. Offrez-moi la main, je vous prie. C'est trop d'honneur. Toute la beauté. Les invités prennent congé pour la plupart, mais le duc de Châteaurien parvient à retenir encore Lady Mary quelques instants sur la terrasse. Winterset rassemble alors autour de lui Bantison, Raquel et Tom Brake et leur parle du tout. Voici douce, bonsoir et sur vous sans pouvoir. Faut-il perdre tout espoir de jamais vous émouvoir? Oh, j'ai peur maintenant de mon cœur fuit son nom. Soyez bon, épargnez-moi la pudeur de ton démon. À cet instant, Winterset, ses complices et leurs valets se glissent à la dérobée vers Beaucaire. Lucie, qui survenait, les aperçoit. Duc, prenez garde! Qu'est-ce donc? À lui! Suis son coquin! Empoignez cet homme! À mort, François, Louis, Berthier, Picard! À moi, mes enfants! Madame, je vous en prie, ne voyez-vous pas que nous sommes vos amis? Oh, laissez-moi passer! Canaille qui hurlait ainsi devant une femme! Arrière, t'as de lâche! Courage! Sous les yeux de votre belle, vous allez vaincre le Français! Trop long, Bantison, défendez-vous, que diable! Je fais de mon mieux! À vous! Ah! Pas mal, n'est-ce pas, pour un barbier? Il m'a touché, ça vous surprend? Ah, monsieur Tonbreak, c'est à vous. Mieux que l'autre. Un jour, peut-être, vous saurez tenir une épée. À vous, monsieur! Oh! C'est le démon! Beaucaire continue de se battre contre Raquel, cette fois, qui le blesse d'un coup d'épée à la poitrine. Beaucaire domine sa souffrance pour interpeller Winterset, qui se tient à l'écart du combat. Ah, vous êtes là, cher ami. Dans l'arrière-fond, comme d'habitude. Nous allons régler nos dettes. Beaucaire se précipite vers Winterset malgré sa blessure pour l'affronter en duel. Mais les valets se saisissent de lui. Liez cet homme solidement. Lâche! Allez-vous donc assassiner le duc? Chère madame, je... Faites-moi grâce, monsieur, de vos paroles. Vous avez organisé un guet-apens infâme. Monsieur de Châteaurien, vous partez avec nous. Vous n'êtes pas blessé? Non, madame, non. Non, non! Ce serait vous perdre vraiment. Vraiment, un pareil frivon. C'est un grand honneur que je tiens son nom, le duc de Châteaurien. C'est un bon nom. Ah ça, monsieur. vient. Je ne mens pas, et j'en appelle à tous. C'est vrai que le duc dit vrai. Parlez, monsieur, défendez-vous. Me croyez-vous? Ah non, de grâce. Mais qu'il parle à lui d'abord. Il est très fort, beaucoup d'audace. Eh bien, monsieur, parlez d'abord. Certains barbiers nous tombent un jour, venus, dit-on, de France, aimant le jeu, le vin, l'homme, le reste aussi, je pense. De beaux habits frais et pimpants, le juste croit le roi des plans. Dieu sait d'où vient ce fripon vulgaire qui se fait appeler monsieur. Poker. Je sais d'où sort monsieur Poker. Qu'importe ici monsieur Poker. Que drôle soirée démasquée, forcée de disparaître. Va-t-il s'enfuir son coup manqué? Oh non, car c'est un maître. Il a dans son sac plus d'un truc. Le vil barbier se change en duc de Châteaurien. Le nom n'y fait guère, mais au fond c'est encore monsieur Poker. C'est lui, monsieur Poker. C'est moi, monsieur Poker. Qu'en dites-vous? Non, non, c'est fausseté. Oh, ma beauté. Quoi, vous doutez? Mais oui. Alors, madame, eh bien, demandez-lui. La roue. Je me trompe. Sûrement, je crois, mais non. Je suis bien Beaucaire. et ma réponse est sans détour. J'ai dû la faire. Attendez. Demandez. Oh non, merci. Pardon ici. Rien qu'un mot. Lady Mary, Mary. Elle part pour toujours. Je ne la reverrai plus. Ma rose, ma belle rose rouge. Ah mais non, elle est là, ma rose rouge, sur mon cœur. Ah, la tête me tourne. François, François, Molineux, Molineux. Chateaurien. Et quoi, blessé? Non, rien. Oh, mon seigneur, voyez du sang. Ça n'est rien. Mais si, voyez ici. Chose. Ah, qu'est-ce là? Rien qu'une rose.